boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Le 99e Pop and Rock sur la trail locale RVR, ouvert par les grands bretons Sleaford Mods, accompagné pour le coup de la folle australienne Amy Taylor, qui présage donc un Pop and Rock qui risque fort de vous faire mal à la tête. Mais on est là pour ça, pas vrai? souvent, je reconnais que les anglo-saxons sont bien les maîtres du rock alternatif. Mais comme Dry Can essaye de le prouver, les Français ne sont pas mal non plus. Et ce soir, la preuve en sera faite par Quai Bondy, découvert au mardi du Grand Marais. Quai Bondy, fil rouge de notre 199e Pop and Rock. De guitare puissante, une basse tonique et une voix qu'on aime ou pas, c'est Quai Bondy à découvrir ce soir dans Pop and Rock sur RVR. Yeah.

ocean. Watch the waves play their game. May, may tomorrow come. Follow your heart and sun will guide you. We can be as two birds flying free like two yellow trees. We can be as one. Watch me going down the ocean. May tomorrow come, they say. Comme toujours dans Pop and Rock, nous revendiquons notre amour pour tout le rock, des Ricains de Children of the Sun aux Français de K-Bondi en passant par les rockers industriels des Sleaford Mods. Ou bien encore Elliott Smith lorsqu'il chante Son of Sam. Got nowhere. Et ouais, dans pop and rock, on sait conjuguer l'éclectisme du rock et pourtant le 21e siècle ressemble plus à une oraison funèbre pour le rock qu'à sa renaissance. Pourtant, comme ce rock est encore riche, notamment grâce à notre fil rouge du soir, K-Bondy qui revient maintenant pour un troisième titre. On écoute Dream, K-Bondy. Shit. Français du 21e siècle, c'est aussi Animal Triste, Afterlife. Yeah. vous avez aimé Afterlife de Animal Triste, vous adorerez peut-être aussi Chenihao Badayan. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, pour me ressourcer, la musique est une source inépuisable. Et chaque fois que je vous prépare un pop and rock, j'espère vous donner force et plaisir. Perso, je n'y serai pour rien si ça marche. Tout le mérite en reviendra aux groupes et artistes qui emplissent nos cervelles de moments inoubliables comme ce soir d'un été lointain et passé au creux du Théâtre d'Orange. We'll be right back. Il y a quelques décennies, après vous avoir envoyé un cure, j'aurais à coup sûr balancé un U2 ou un Simple Minds, mais ouais, le temps passe et ce soir l'enchaînement sera bien différent. Quoique... Ce soir, Pop & Rock essaie de parrainer les Français de Quai Bondy. Quatrième titre du soir, Killing Something. Thank you. vous êtes des fidèles de Pop and Rock, il y en a au moins deux, ma petite femme et ma sœur, eh bien vous vous rappelez peut-être de Sparrow, groupe français que nous partageons ici depuis quelques temps. Ce soir, Sparrow revient avec Cri encore, morceau très dolien dirais-je. J'en apprends un peu de ce que tu dis, ce que j'attends au fond de mon lit. Aller à la lune sans honte aucune, ce que j'entends de tes non-dits. Cette déesse, montons ensemble sur le toit du monde ce dont j'ai envie. Ouvre-moi tes bras, réchauffe-moi un peu. Tends-moi ta main que j'approche un peu. Et donne-moi des souffles, si sur moi tes jeux. Laisse-toi aller dans mon corps et laisse-moi souffler. Attends au fond de mon lit. Aller à la lune sans amertume, ce que j'entends de tes non-dits. Doit-on cette déesse, montons ensemble sur le toit du monde ce dont j'ai envie. Ouvre-moi tes bras, réchauffe-moi un peu. Tends-moi ta main que j'approche un peu. Et donne-moi du souffle, c'est sur moi tes jeux. Sans besoin qu'en descendre du jeu. Crie encore si je le veux. Si je le veux. Si je le veux. Si je le notre heure pop and rock en avance, plus notre fil rouge s'étire. Sans plus de commentaires, voici le dernier titre du soir de Kay Bondy. Stop! Après une heure de rock intense, j'espère que votre cervelle est toujours bien placée entre vos deux oreilles. Si ce n'est plus le cas, c'est qu'on a réussi notre pari et je suis sûr qu'on se retrouve lundi prochain à 17h. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit et bis à tous.